qu'il faut renoncer à notre volonté. Chapitre 97. Explication de ces paroles du premier des versets pris pour sujet de ce traité. Oubliez notre nation et la maison de votre père. Je viens maintenant à ces paroles du premier des versets que j'ai pris pour sujet de ce traité. Oubliez votre nation et la maison de votre père. Pour bien entendre ces paroles, il faut remarquer que tous les hommes sont séparés en deux classes et composent comme deux cités différentes, l'une des bons et l'autre des méchants. Mais ce n'est pas la différence des lieux qui les distingue, car ces divers citoyens ne vivent pas seulement ensemble dans une même cité, mais aussi dans une même maison, et il n'y a que la diversité de leurs affections qui les distingue. Deux amours différents, dit saint Augustin, composent ces deux différentes cités, l'amour de soi-même, qui va jusqu'à mépriser Dieu, compose celle qui est terrestre, et l'amour de Dieu qui nous donne du mépris pour nous-mêmes compose celle qui est céleste. La première ne s'élève qu'en elle-même, la seconde ne s'élève qu'en Dieu. La première recherche l'honneur des hommes, la seconde ne met son honneur qu'à être pure aux yeux de Dieu. La première n'a pour objet que sa propre gloire. La seconde dit à Dieu qu'il est toute sa gloire et qu'elle tire tous ses avantages de lui seul. La première désire de commander, la seconde est toujours prête à servir les autres par charité. Et fait que les supérieurs prennent soin des inférieurs, et que les inférieurs obéissent avec joie à leurs supérieurs. La première s'attribue à elle-même toute sa force et s'en glorifie, et la seconde dit à Dieu, « Seigneur, qui est toute ma force, faites-moi la grâce de vous aimer. » Ceux qui passent pour sages dans la première de ces deux cités ne cherchent leur satisfaction que dans les créatures, ou, s'ils connaissent le Créateur, ils ne l'honorent pas comme il le doit être, mais s'égarent dans la vanité de leurs pensées, et, se croyant sages, se trouvent n'être que des insensés. Mais les citoyens de la seconde de ces deux cités mettent toute leur sagesse à servir Dieu véritablement, et à espérer d'en recevoir la récompense par le bonheur de le glorifier à jamais avec tous les saints et tous les anges, comme étant tout en tout et en toute chose. Les pécheurs sont les citoyens de la première de ces deux cités, les justes sont les citoyens de la seconde, et comme excepté Jésus-Christ et sa Sainte Mère, toute la postérité d'Adam a été conçue dans le péché, nous naissons tous citoyens de cette malheureuse cité. Mais Jésus-Christ nous en retire par sa grâce pour nous faire passer dans la sienne. On donne divers noms à cette même malheureuse cité qui n'est composée que d'hommes présomptueux et qui n'aiment qu'eux-mêmes. Les uns la nomment l'Égypte, c'est-à-dire ténébreuse, parce que ses citoyens ne sont point éclairés de la lumière qui procède de la connaissance de Dieu, ou que, s'ils ont la foi, ce n'est qu'une foi morte, à cause qu'elle n'est pas accompagnée de la charité qui pourrait la rendre vivante, parce, comme dit saint Jean, que celui qui n'aime point Dieu ne connaît point Dieu. 1. Jean 4, 8, car Dieu est amour, c'est-à-dire que celui-là n'a point cette connaissance pleine d'amour nécessaire pour le salut. Ainsi les uns vivant dans les ténèbres de l'infidélité, et les autres dans les ténèbres du péché, au lieu d'être dans la joie ils passent une vie triste et ennuyeuse et peuvent dire comme Tobie, ne voyant point la lumière du jour, quelle joie puis-je avoir en ce monde, Tobie, 5. On donne aussi à cette même malheureuse cité le nom de Babylone qui signifie confusion, et qui fut appelée ainsi lorsque ces orgueilleux géants voulurent édifier une tour qui hurla jusqu'au ciel pour se défendre de la colère de Dieu, et rendre leur réputation immortelle, s'ils voulaient par un second déluge noyer encore la terre. Mais Dieu, pour les punir de leur folie, confondit leur langage de telle sorte qu'ils ne s'entendaient plus les uns les autres, ce qui causa entre eux un désordre qui fit donner avec raison à cette folle entreprise le nom de division et de confusion, et ce nom convient très bien à cette cité des méchants qui veulent pécher et n'en être point punis, et ne veulent pas se garder de pécher pour éviter le châtiment. Quoiqu'il n'y ait rien hors cela qu'ils ne voulussent faire pour ne point souffrir, ils sont si superbes qu'ils ne pensent qu'à se rendre célèbres dans le monde. Leurs pensées sont comme autant de tours chimériques qu'ils bâtissent et élèvent, dans leur esprit n'en pouvant élever de véritables comme ils le désireraient, et Dieu les détruit lorsqu'ils en sont les plus satisfaits, selon qu'il est écrit, Dieu résiste aux superbes, et comme ils ne veulent pas vivre dans l'unité d'un même langage, c'est-à-dire dans l'obéissance qu'ils doivent à Dieu, il les châtie de telle sorte qu'ils ne s'entendent point les uns les autres ni quoi que ce soit, parce que la sagesse de Dieu leur manquant, ils ne sauraient rien entendre qui leur soit utile. Ainsi combien se passe-t-il de choses dans le cœur des méchants qui leur donnent de la peine et les confondent sans pouvoir y remédier? Ils forment aujourd'hui un dessein, demain un autre. Ils veulent en même temps des choses qui se contrarient, ils s'affligent de ce dont ils s'étaient réjouis, et se réjouissent de ce dont ils s'étaient affligés. Tantôt ils se laissent aller au désespoir. Et tantôt ils s'enflent de vanité, ils désirent avec ardeur des choses qu'ils sont après fâchés d'avoir obtenues, et ils résolvent une chose et font le contraire, à cause qu'ils n'agissent pas par raison, mais par passion, tellement que comme l'homme est un animal raisonnable, dont l'âme, qui est la principale partie, doit se conduire par la raison, et que ceux-là au contraire, ne vivent que comme des bêtes brutes en suivant seulement leur appétit sensuel, de là vient que Dieu qui étant un pur esprit, veut être servi en esprit, ils n'ont garde de le servir. Et comme l'union des chrétiens consiste à être unis avec lui et entre eux, les citoyens de cette malheureuse cité étant séparés de Dieu, ils n'ont garde de vivre en paix les uns avec les autres, mais sont toujours divisés chacun ne voulant faire que sa propre volonté sans se soucier de plaire aux autres, parce qu'ils ne sont sensibles qu'à ce qui les touche. Ainsi, au lieu de faire l'usage qu'ils devraient d'eux, mêmes et des créatures selon la fin pour laquelle Dieu les a créés, ils sont eux-mêmes la fin qu'ils se proposent. Ce qui fait qu'on leur donne avec raison le nom de Babylone, puisqu'ils agissent en toutes choses contre l'intention de leur Créateur. On leur donne aussi le nom de Chaldéens, de Sodome, de Édom, et plusieurs autres qui montrent quelle est leur méchanceté que l'on ne saurait marquer aussi grande qu'elle est. Et enfin on donne à ce malheureux peuple le nom de monde, non pas de ce monde que Dieu a créé et qui ne saurait être que bon puisqu'il est l'ouvrage d'un Dieu parfaitement bon, mais parce que ces hommes tout sensuels n'ont de sentiments et de l'amour que pour ce qui est visible, ce qui a fait dire à Saint Jean, que tout ce qui est dans le monde n'est que concupiscence, de concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie. Or, le monde passe, et la concupiscence du monde passe avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 16. Saint Paul dit aussi, que si quelqu'un n'a point l'esprit de Jésus-Christ, il n'est point à lui. Romains 8, 9 et par conséquent il est au monde. Saint Jacques dit aussi, ne savez-vous que l'amour de ce monde est une inimitié contre Dieu, Jacob, 4, 4, et par conséquent quiconque voudra être ami de ce monde se rend ennemi de Dieu. Chapitre 98. Que nous devons fuir le monde qui est la cité des méchants, combien il traite mal ses citoyens, et qu'épouvantable sera leur fin. Vous pouvez juger, ma chère fille, par ce que je viens de dire quelle est la haine que l'on doit avoir pour le monde qui est cette malheureuse cité, et qu'il n'y a point d'effort que ceux qui s'y trouvent engagés ne doivent faire pour le quitter. S'il désire de se sauver, il est l'image de l'Égypte d'où Dieu commanda aux Israélites de se hâter de sortir et de marcher quoiqu'à travers des déserts pour arriver à l'heureuse terre qu'il leur promettait. C'est ce peuple que Dieu ordonna Abraham d'abandonner lorsqu'il lui dit « Quittez votre pays, votre parenté, et la maison de votre père, et venez en la terre que je vous montrerai. » Hébreux 11. Ce que ce grand patriarche exécuta avec une humble et parfaite obéissance sans savoir où il allait comme dit saint Paul. Dieu commanda aussi à l'autre de sortir d'avec ce même peuple pour ne se trouver point enveloppé dans le châtiment, épouvantable qu'il en voulait faire, et de se sauver sur la montagne qui représente l'éminence de la foi et de la bonne vie. Enfin, c'est ce même peuple dont saint Paul dit, « Quelle union peut-il y avoir entre la justice, l'iniquité ? Quel commerce entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Jésus, Christ et Bélial? Quelle société entre le fidèle et l'infidèle? Et quelle conformité entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant selon ce qu'il dit lui-même dans l'Écriture, j'habiterai en eux, et je m'y promènerai, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de ces personnes, dit le Seigneur, séparez-vous d'eux, ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 14. Quelles paroles, et quels efforts ne doivent-elles point, ma fille, vous faire pour vous séparer de ce malheureux peuple, afin de jouir du bonheur qu'elle vous promette, et vous garantir du malheur que vous auriez autrement sujet de craindre? Peut-on demeurer en assurance dans une maison près de tomber et d'accabler sous ses ruines ceux qui l'habitent, et quel gré ne saurions-nous point à ceux qui, par la vie qu'ils nous en donneraient, nous ferait éviter un si grand péril? Puis donc que je vous assure de la part de Dieu qu'un jour viendra que s'accomplira la vision qu'eut saint Jean touchant ce malheureux peuple lorsqu'il dit, « Je vis un ange descendre du ciel qui avait une grande puissance, la terre fut toute éclairée de sa gloire et il cria à haute voix, « Elle est tombée cette grande Babylone !» Elle est tombée et devenue la demeure des démons, la prison de tous les esprits impurs, et la prison de tous les oiseaux impurs et haïs des hommes. » Apocalypse 18, 1. À quoi il ajoute, alors un ange puissant leva en haut une grande pierre comme une meule et la jeta dans la mer en disant, c'est ainsi que Babylone, cette grande ville, sera précipitée avec violence et on ne la trouvera plus. Apocalypse 18, 21. Et afin que ceux qui désirent de se sauver ne se relâchent point en se persuadant qu'encore qu'ils soient dans la compagnie des méchants, ils ne participeront point à leur châtiment. Ce même saint avait dit auparavant qu'il entendit une voix du ciel qui dit, « Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4. Mais encore qu'il soit fort avantageux d'éviter réellement la compagnie des méchants et que cela soit même presque nécessaire à ceux qui commencent d'entrer dans le chemin de la vertu, s'ils ne veulent s'égarer. Néanmoins, saint Augustin dit que cette sortie de Babylone signifie sortir par affection de la compagnie des méchants et qu'il faut pour en sortir avoir de l'amour pour ceux qu'il haïssait et de la haine pour ceux qu'ils aiment. Parce que ne considérant les choses que selon les sens les bons et les méchants se trouvent demeurés non seulement dans une même cité, mais dans une même maison, Jérusalem et Babylone étant ainsi jointes ensemble quant au corps, au lieu qu'à en juger spirituellement, elles sont tellement séparées, qu'il est facile de connaître que l'une est la cité de Dieu, et l'autre la cité du diable. Oubliez donc, ma fille, votre nation pour aller chercher le peuple de Dieu et la cité de Jésus-Christ. Puisque vous ne pouvez commencer une vie nouvelle, sans renoncer avec douleur à celle que vous meniez auparavant, souvenez-vous de ce que dit saint Paul, que Jésus-Christ voulant sanctifier son peuple par son propre sang, il a été crucifié hors les portes de Jérusalem, Hébreux 13, 12, pour faire connaître qu'il faut, si nous ne voulons suivre, sortir de la compagnie de ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Comme Jésus-Christ sortit de Bethsaïde pour rendre la vue à un aveugle, Marc 8, afin de nous apprendre que pour recevoir la guérison de nos âmes, il faut renoncer à la vie commune pour marcher dans ce chemin étroit dans lequel il nous a dit lui-même qu'il y en a si peu qui marchent. C'est se tromper de croire que l'on puisse s'accorder avec Jésus-Christ et avec le monde, après avoir appris de sa propre bouche, que l'on ne saurait servir à deux maîtres, Matthieu 6, et qu'il a dit aussi que ceux qui sont à lui ne sont pas de ce monde, Matthieu 6, et que son royaume n'était point de ce monde, vous ne sauriez donc vouloir en être. Sans être puni de votre désobéissance, comme Absalom dont les cheveux, qui représentent les vaines affections, l'ayant arrêté dans sa fuite et fait demeurer suspendu à un arbre, 2. Rois, 18, donnèrent moyen à Joab de le percer de trois dards qui sont l'image de cette concupiscence de la chair, de cette concupiscence des yeux et de cet orgueil de la vie, dont parle saint Jean et dont le diable, qui est le prince de ce monde, se sert pour régner sur les méchants. Or, comme cet arbre auquel Absalom était suspendu était un chêne dont le fruit n'est propre que pour des pourceaux, ce prince du monde ne repaît ceux qui lui sont malheureusement assujettis que de vaines pensées d'affection brutale, ne les nourrit, comme un autre Adonis Bézek, que des miettes qui tombent de sa table, Judicaël 1, 7, et les laisse dans une faim continuelle des biens de cette vie, jusqu'à ce qu'il les entraîne avec lui dans les enfers où leur faim et leurs tourments seront éternels. Ce que je viens de dire ne devrait-il pas faire ouvrir les yeux aux gens du monde, pour les porter à fuir le monde et le démon, et à imiter l'enfant prodigue, en retournant à Dieu comme il fit, lorsque s'étant vu dans une extrême misère, qu'il ne pouvait pas seulement se rassasier de gland, ayant connu la différence qu'il y avait entre être dans le monde ou dans la maison de son père, il retourna le trouver, lui demanda pardon et l'obtint. Faites-en de même, ma fille, oubliez votre nation, si vous voulez que Dieu vous reçoive, oubliez votre peuple si vous voulez qu'il se souvienne de vous, ne vous aimez point trop vous-même si vous voulez qu'il vous aime, ne vous confiez point en vos propres forces si vous voulez qu'il vous assiste. N'avez point de complaisance pour vous si vous voulez paraître belle à ses yeux, Ne désirez point de plaire au monde si vous désirez de lui plaire, et ne craignez point d'abandonner pour l'amour de lui, père, mère, frère, sœur, maison et votre propre vie, si vous voulez le trouver, non qu'il faille avoir de l'aversion pour toutes ces choses, mais parce que vous devez de telle sorte vous donner tout entière à Jésus-Christ, que vous ne voulussiez pas seulement pour plaire à qui que ce soit et à vous-même, tordre un seul de vos cheveux si cela lui était désagréable. Saint Paul dit, que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant point, ceux qui pleurent comme ne pleurant point, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant point, et ceux qui achètent comme ne possédant point. Et la raison qu'il en rend est parce que la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 29. Je vous dis de même, ma fille, que, tant parce que tout passe si vite, que parce que vous n'êtes plus à vous-même, vous ne devez désormais considérer père, mère, frère, parents, amis et toute votre famille, que comme s'il n'était point, non qu'il faille manquer au respect, à l'amour et à l'obéissance que vous leur devez, puisque la grâce ne détruit point l'ordre de la nature, et que, même dans le ciel, les enfants auront du respect pour leur père. Mais je prétends dire seulement que votre affection pour eux ne doit rien diminuer de votre amour pour Dieu. Aimez-les donc, non pas en eux-mêmes, mais en Jésus-Christ, qui ne vous les a pas donnés afin de vous être un obstacle à le servir comme vous y êtes obligés. Saint Jérôme rapporte d'une demoiselle qui avait tellement mortifié son amour pour ses parents, qu'au lieu de voir sa propre sœur, elle se contentait de l'aimer pour Dieu, parce que de même que pour pouvoir écrire sur du parchemin, il faut ôter toute la chair et tout le poil de la peau dont il est fait, notre âme ne saurait être bien préparée à recevoir des faveurs particulières de Dieu, qu'après être purifiée de la trop grande affection que donnent la chair et le sang. Nous lisons dans l'Écriture que deux vaches nouvellement vêlées, ayant été attelées au char dans lequel les Philistins renvoyèrent l'arche de Dieu, 1 Roi, si quoique la douleur d'avoir été séparée de leurs petits les fit gémir, elles ne se détournèrent point du droit chemin jusqu'à ce qu'elles furent arrivées dans la terre d'Israël, au lieu où il était particulièrement adoré. Ce qui montre que ceux qui ont chargé sur leurs épaules la croix de Jésus-Christ, qui est l'arche véritable de notre alliance avec lui, ne doivent point se détourner et se ralentir dans leur chemin par ces affections naturelles ou autre chose semblable, ni se laisser emporter à la joie dans la prospérité, non plus qu'à la tristesse dans l'adversité, l'un étant se détourner du chemin du côté de la médiocrité, et l'autre s'en détourner du côté de la main gauche, mais continuer toujours de marcher en priant Dieu de faire réussir toutes nos actions à sa gloire, sans nous laisser vaincre à ces sentiments de joie ou de tristesse que nous ne saurions éviter d'avoir. Ces vaches, dont je viens de parler, sont aussi la figure de la manière dont les pères et les mères doivent agir en ces occasions, lorsqu'ils voient que leurs enfants ne sont portés à se conduire de la sorte que par le désir de servir Dieu, car encore que par leur amour pour eux, ils ne puissent souffrir sans peine de s'en voir ainsi séparés en quelque manière, ils doivent les offrir à Dieu, comme Abraham lui offrit son fils unique pour lui obéir, malgré les sentiments de la nature, et espérer que Dieu ne laissera pas sans récompense cette espèce de martyr qu'ils auront souffert patiemment pour l'amour de lui. Oubliez donc, ma fille, votre peuple, soyez comme un autre Melchizedek que l'Écriture dit n'avoir eu ni père, ni mère, ni parents, et que saint Bernard propose pour exemple aux serviteurs de Dieu, afin d'oublier de telle sorte leurs proches, qu'ils soient dans leur cœur comme un autre Melchizedek, sans que rien puisse ralentir leur ardeur à marcher dans le chemin qui les conduit à Dieu. Chapitre 99. Que l'avantage de la naissance n'est que vanité, et que la véritable noblesse dont on doit seulement se glorifier est d'appartenir à Jésus-Christ. Comme je serais fort fâché, ma chère fille, que la vanité que donne une noblesse qui n'est que charnelle, vous aveugle ainsi qu'elle en aveugle tant d'autres, je me trouve obligé de vous dire ce que saint Jérôme dit à une fille de qualité. Je ne désire pas que vous soyez du nombre de ces filles qui sont des demoiselles du monde et non pas des demoiselles de Jésus-Christ. Elles ne se souviennent plus des bonnes résolutions qu'elles avaient faites. Les divertissements leur deviennent agréables, elles se plaisent dans leur vanité, elles se glorifient des avantages dont la nature les favorise, tant ce qui regarde le corps que la noblesse de leur race. Au lieu qu'elles devraient les mépriser si elles considéraient que leur véritable noblesse est d'avoir Dieu pour père. Il ne créa au commencement qu'un homme et qu'une femme dont tous les hommes sont descendus. Ce n'a donc pas été la nature qui a mis de l'inégalité entre eux, puisqu'ils n'ont tous qu'une même origine, mais ça a été l'orgueil et l'ambition. Et quant à la seconde naissance qu'ils ont reçue par Jésus-Christ, il ne doit non plus y avoir aucune différence entre eux, puisque le riche et le pauvre, le libre et l'esclave sont devenus par ce moyen également enfants de Dieu, et que la splendeur de cette seconde naissance, comme étant toute céleste, doit entièrement obscurcir l'éclat que l'orgueil avait donné à cette noblesse qui n'était que terrestre et corporelle. Quel sujet y a-t-il de se glorifier de la grandeur de la naissance, puisqu'il n'y a un seul de ceux que l'on méprise comme n'en ayant qu'une beaucoup inférieure, qui ne puisse se vanter d'en tirer une de Dieu par les mérites de Jésus-Christ, qui la rend égale à celle des plus grands princes qui soient dans le monde. Ainsi s'il y a de la différence, elle n'est que dans la pensée de ceux qui ne considèrent non plus les choses divines que les choses humaines, car s'ils les considéraient, comment pourraient-ils, pour des avantages si peu importants, se préférer à ceux qu'ils savent leur être égaux dans ce qui importe de tout, et regarder, comme étant à leurs pieds, ceux qui ont le même droit qu'eux de prétendre au royaume du ciel. Ainsi quelque illustre que puisse être la noblesse d'où l'on tire sa naissance, il faut, pour être noble, selon Jésus-Christ, mépriser la gloire du siècle présent pour arriver à celle qu'il nous a promise dans le siècle à venir. Vous pouvez, ma chère fille, jugez par ces paroles de l'un des plus célèbres docteurs de l'Église, combien il vous importe d'oublier votre peuple et la maison de votre père, sachant, comme vous le savez, que ceux de qui vous tenez cette vie mortelle, pleine de tant de misères, ont été conçus dans le péché qui a passé de notre premier père dans toute sa postérité, que ce corps, que nous avons reçu de a été formé d'une manière qui donne tant de dégoût, que l'on n'oserait y penser, et qu'encore que l'âme que Dieu a créée pour l'animer fut toute pure, elle n'a pas plutôt été unie à lui, qu'elle s'est trouvée toute souillée. Il est sujet à tant d'infirmités, à tant de maladies et même à la mort, qu'il n'est propre que pour faire pénitence en est souffrant patiemment. Il n'y en a point de si beau qui ne devint horrible, si on lui avait seulement ôté la moindre des peaux qui le couvre, et autant qu'il est agréable à ne le considérer que par le dehors, il est au-dedans si difforme, qu'on le peut comparer à un fumier couvert de neige. Mais, plus à Dieu que ce fussent là les moindres de ses imperfections, Il ne serait pas comme il est notre plus grand ennemi, il ne nous trahirait pas comme il fait, sans craindre de nous donner la mort, et une mort éternelle en offensant Dieu pour satisfaire à ses plaisirs. Il est lâche et paresseux dans tout ce qui regarde ses devoirs, opiniâtre dans sa malice, et pour peu qu'on lui lâche la bride, il n'y a point d'excès dans lesquels il ne se porte. Que ridicule est donc la vanité de ceux qui se glorifient de leur noblesse, puisque les âmes étant créées de Dieu, on ne les peut considérer comme un bien que l'on hérite de ses parents, et que quant au corps que nous tenons d'eux, il est si imparfait et si misérable, que l'on ne saurait y penser sans en avoir de la honte. Criez à haute voix, dit Dieu à Isaïe, et que dirai-je, Seigneur, lui demanda ce prophète, dites, lui répondit Dieu, que toute chair n'est que du foin, et que toute la gloire du monde n'est que comme la moindre fleur des champs. Isaïe 4. Quoi? Dieu commande de crier cela à haute voix, et néanmoins il y en a de si sourds à ses paroles, qu'au lieu de se glorifier des grands avantages qu'ils peuvent recevoir par le Saint-Esprit, ils se glorifient des impuretés dans lesquelles ils se plongent par la corruption de la chair. Gardez-vous bien, épouse de Jésus-Christ, d'être si aveugle et si ingrate. Ce n'est pas à cause de la noblesse de votre race que Dieu vous considère, mais c'est parce que vous êtes chrétienne. Ce n'est pas parce que vous êtes née dans une maison parée, mais c'est parce que vous avez reçu dans le baptême les ornements dont une seconde naissance embellit l'âme. La première déshonore, la seconde est très honorable. La première est vile et basse. La seconde est noble et élevée. La première est souillée par le péché. La seconde justifie par la grâce. La première est charnelle. La seconde est spirituelle et vivifie. La première nous rend enfants des hommes. La seconde nous rend enfants de Dieu. La première, en nous faisant héritier des biens temporels de nos pères, nous fait héritier aussi de leurs péchés et de leurs peines, et la seconde, en nous rendant frères de Jésus-Christ, nous rend ses co-héritiers dans le ciel et nous fait, par la réception du Saint-Esprit, espérer de voir un jour Dieu face à face. Après cela, que pensez-vous que Dieu dira à ceux qui se glorifient davantage d'avoir tiré leur naissance des hommes pour n'être ensuite que des pécheurs et des misérables, que d'avoir reçu de lui une seconde naissance pour être juste et bienheureux? On peut les comparer à un homme qui, étant fils d'un roi et d'une esclave, ne se vanterait que de la naissance qu'il aurait tirée de sa mère, sans se souvenir de l'honneur que celui est d'avoir un roi pour son père. Oubliez donc, ma fille, votre peuple pour être désormais du peuple de Dieu, puisque vous ne seriez autrement qu'une vile pécheresse, au lieu que si vous abandonnez votre peuple, Dieu vous recevra pour être à lui, ennoblira votre âme, vous justifiera, vous aimera et quelque pauvre que vous soyez, il vous aura bientôt enrichi. Oubliez donc votre peuple, je le répète encore, cessez d'être une pécheresse en vivant selon le monde, oubliez votre peuple, ne tenez plus de compte de votre noblesse, demeurez dans une grande tranquillité en vous considérant comme seul avec Dieu dans un désert. Et enfin oubliez votre peuple puisque tant de raisons vous y obligent. Chapitre 100. Explication de ces paroles. Oubliez la maison de votre père, qui montre que nous devons renoncer à notre volonté pour imiter Jésus-Christ. Il faut maintenant, ma chère fille, vous expliquer les paroles suivantes de notre texte. Oubliez la maison de votre père. Saint Jean nous apprend que ce père est le démon, en disant, Celui qui commet le péché est enfant du diable, parce que le diable a péché dès le commencement, Jean 3, 8, non qu'en effet il soit le père des méchants, mais parce qu'il l'imite, et que l'Évangile donne le nom d'enfant de Satan à ceux qui imitent sa malice. Ce malheureux père vit dans le monde, c'est-à-dire parmi les méchants. Connu Job l'exprime par ses paroles, il dort à l'ombre et dans les lieux marécageux et humides, Job 4. Cette ombre signifie les richesses, parce qu'encore qu'elle donne du plaisir et de la satisfaction, cette satisfaction est traversée par tant de déplaisirs qui piquent le cœur comme par autant d'épines, que l'on reconnaît à la fin qu'au lieu d'être de véritables richesses, elles n'en sont que l'ombre et une véritable misère. Ces roseaux des marécages représentent la gloire du monde qui, autant qu'elle a d'éclat au dehors, est vide et creuse au dedans, et si fragile et si changeante, que l'on ne peut mieux la comparer qu'à un roseau agité des vents. Et ces lieux marécageux et humides signifient ces âmes déréglées qui courent après des plaisirs charnels contraires à ceux dont l'Évangile dit que cet esprit immonde dont Jésus-Christ avait délivré un possédé étant allé chercher du repos dans les lieux secs et arides. Il n'y en trouva point, Matthieu 12, et il ne peut de même rien trouver dans les âmes exemptes de ces plaisirs charnels qui soient capables de le satisfaire, mais seulement dans celles qui aiment les biens, les honneurs et les délices. Ce qui fait qu'on lui donne le nom de prince du monde et du siècle, non qu'il ait créé le monde, mais parce que les méchants qui appartiennent à Dieu par leur création, deviennent sujets du démon par imitation, et se rendent conformes à lui par leur volonté pour être condamnés avec lui à des peines éternelles, lorsque, dans le dernier jour, Jésus-Christ leur prononcera cet épouvantable arrêt, allez, maudits, au feu éternel préparé au diable et à ses anges, Matthieu 25. Que si vous voulez savoir quelle est cette demeure du démon, c'est la maudite volonté propre des méchants dans laquelle il se repose comme un roi sur son trône, et d'où il commande à tous ses sujets. Ainsi oubliez la maison de votre père n'est autre chose que de renoncer à votre propre volonté dans laquelle ce malheureux père avait établi sa demeure et d'embrasser de tout votre cœur la volonté de Dieu, en disant, « Seigneur que votre volonté soit faite et non pas la mienne, on ne saurait ma fille, vous donner un avis plus important, puisqu'en renonçant à notre propre volonté, nous renonçons aux péchés qui sont comme des branches dont elle est la racine. » Saint Paul nous l'apprend lorsqu'en nous racontant cette multitude de péchés qui régneront dans les derniers temps. Il commence par dire que les hommes seront alors amoureux d'eux-mêmes, ce que le commentaire explique ce devoir entendre de l'amour propre, et comme il est l'origine de tous les péchés nous n'en sommes pas plutôt délivrés, que nous nous trouvons soumis à Dieu qui est la source de tous les biens. Cette même volonté propre est aussi la cause de nos peines, de nos tristesses et de nos inquiétudes parce que nous voudrions qu'elle s'accomplisse en tout, et ne pouvons souffrir sans peine que cela ne soit pas, au lieu que quand nous nous sommes dépouillés de cette propre volonté, rien ne saurait plus nous fâcher, parce que ce n'est pas du travail que vient la tristesse mais c'est de ce que nous ne voudrions pas nous trouver engagés dans ce travail. Et ce renoncement à notre propre volonté ne nous délivre pas seulement des peines de cette vie, il nous délivre aussi des peines de l'autre, selon cette parole de Saint Bernard, ôtez la volonté propre, et il n'y aura plus d'enfer. Mais comme rien ne nous peut être plus avantageux, rien n'est aussi plus difficile à exécuter, c'est pourquoi nous y travaillerons en vain si, comme Jésus-Christ commanda d'ôter la pierre qui fermait le sépulcre du Lazare. Il n'amollit la dureté de la pierre de cette propre volonté qui donne la mort à ceux qu'elle accable de son poids, s'il ne tue ce Goliath que lui seul, comme étant invincible, est capable de vaincre. Nous ne devons pas manquer néanmoins à nous servir de toutes les forces que Dieu nous donne pour tâcher de rompre nos chaînes et implorer de tout notre cœur son assistance, en considérant combien grands sont les maux qui nous arrivent de suivre cette volonté propre, et combien grands sont les biens que nous recevons d'y renoncer. Rien ne peut tant aussi nous y aider que ce merveilleux exemple de Jésus, Christ qui a dit, en parlant de lui-même, « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 6, 38 et cela non pas en des choses légères, mais dans tout ce qui se peut imaginer de plus difficile à souffrir, comme on l'a vu dans sa passion, lorsqu'en renonçant à sa volonté pour accomplir celle de son Père, il nous a appris par son exemple qu'il faut, pour obéir à Dieu, renoncer à ce qui nous est le plus cher et embrasser ce qui nous est des plus pénibles. Chapitre 101, de ce que l'on doit faire pour renoncer à sa propre volonté, de l'obéissance que les inférieurs doivent rendre à leurs supérieurs, et de quelle sorte les supérieurs doivent se conduire envers leurs inférieurs. Comme l'on ne saurait monter en haut qu'en commençant par les premiers et les plus bas degrés, je dois vous dire, ma chère fille, que pour pouvoir arriver jusqu'à ce haut degré de vertu, de renoncer à votre propre volonté dans les choses les plus importantes, vous devez vous accoutumer à y renoncer dans les moindres, non pour vous y arrêter, mais pour passer plus avant. Ne pensez donc rien, ne dites rien et ne faites rien qui ait pour but de faire votre propre volonté. Et si vous vous sentez pressé de la suivre, au lieu de vous laisser captiver par elle, agissez avec une liberté de chrétienne pour la captiver elle-même. Par exemple, lorsque vous vous mettez à table, proposez-vous de vous mortifier en ne mangeant que pour obéir à Dieu et autant que vous en avez besoin pour soutenir votre vie. Lorsque vous travaillerez à vos affaires domestiques, mortifiez-vous de même en n'y agissant pas par l'amour du bien, mais parce que Dieu vous ordonne d'en prendre soin pour satisfaire à vos besoins et à ceux du prochain, et ainsi du reste. C'est la manière dont les saints pères des déserts conduisaient leurs disciples. Ils les empêchaient de s'employer aux choses où leur inclination les portait, et les occupait à celles où elles ne les portaient pas, afin de leur apprendre à renoncer entièrement à leur propre volonté, et ils jugeaient du sujet qu'il y avait de peu ou beaucoup espéré de leur avancement dans la vertu, selon le profit qu'ils faisaient de cette conduite, parce que l'on passe peu à peu des petites choses aux grandes. Humiliez-vous donc, ma fille, et considérez-vous comme sujette à toute créature, selon ce que dit saint Pierre, au lieu de vous offenser des mauvais traitements que l'on vous fera et des contradictions que l'on apportera à ce que vous désireriez, sachez en gré et aimez ceux qui vivront avec vous de la sorte, puisqu'ils vous aideront par ce moyen et vaincre vos ennemis qui sont vos sentiments et votre propre volonté. Considérez votre mère comme si elle était votre abbesse, à qui vous devez obéir avec une profonde humilité sans jamais vous lasser de satisfaire à ce devoir. Ne faites pas comme quelqu'une qui cherche des prétextes pour ne rendre pas à leur père et à leur mère l'obéissance qu'elles leur doivent, soit dans la maison, soit en sortant de la maison, sans leur en demander congé, en disant que c'est pour aller servir Dieu. car rien n'est plus contraire à sa volonté que de ne pas obéir à son père et à sa mère. Jésus-Christ nous en a, lui, même montré l'exemple en obéissant à son Père éternel durant toute sa vie et à sa mort, et aussi à sa très sainte mère et à saint Joseph, selon que saint Luc le rapporte, Luc 11. Que personne ne s'imagine donc de pouvoir plaire à Jésus, Christ s'il manque à l'obéissance, puisqu'il l'a tant aimé, qu'il a mieux aimé mourir sur une croix que d'y manquer, et ne vous étonnez pas si j'insiste tant à vous la recommander à cause que rien ne vous importe davantage, parce que n'étant pas retiré dans une religion, vous serez toujours dans un double péril si vous ne renoncez à votre propre volonté pour la sujettir à celle d'autrui. Vous ne sauriez trouver de la sûreté qu'en ne désirant point d'être dans la liberté de faire tout ce que vous voudrez. Et ainsi vous ne devez pas vous contenter d'obéir à vos parents, il faut obéir aussi à ceux qui ont la principale autorité dans la maison et même aux inférieurs. Pourvu que cela ne trouble point l'ordre que l'on doit garder en tout, que s'il est besoin que vous leur commandiez dans les choses extérieures, considérez-vous au moins dans votre cœur comme leur étant soumise, et pour le faire plus volontiers. Souvenez-vous de l'humilité avec laquelle notre Seigneur mit les genoux en terre pour laver les pieds à ses apôtres, et même à ce traître qui au sortir de là le livra entre les mains de ses ennemis pour le faire mourir. Repassez souvent dans votre esprit une si prodigieuse humilité, et ces paroles qu'il leur dit, « Si étant comme je le suis, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds, à comme bien plus forte raison devez-vous vous les laver les uns aux autres ?» Jean 13. Aimez donc jusqu'au moindre de vos domestiques, comme si vous étiez leur mère, et assistez-les dans tous leurs besoins, comme si vous étiez leur servante. Souffrez avec patience leur mauvaise humeur, leurs extravagances et même leurs injures. Ne vous contentez pas d'être humble à leur égard, soyez-le aussi à l'égard de ceux du dehors, et que la vertu que vous pratiquerez envers eux vous serve à la pratiquer envers les étrangers. Souvenez-vous de sainte Catherine de Sienne, cette sainte femme instruite de Dieu même, et lisez sa vie, non pour désirer d'avoir comme elle des révélations, mais pour vous porter à imiter ses vertus. Vous y verrez que les obstacles que ses parents apportèrent pour l'empêcher de s'avancer dans le service de Dieu ne le lui firent point abandonner. Ils la firent sortir de sa cellule où elle s'occupait en de si sains exercices, et l'obligèrent de servir à la cuisine, mais parce qu'elle s'humilia et obéit, elle y trouva Dieu avec encore plus d'avantages qu'auparavant. Que si dans le temps que vous désirez de vous employer à l'oraison, vos parents ou votre directeur vous commandent de faire quelque autre chose, offrez votre désir à Dieu, et obéissez-leur humblement et tranquillement avec une entière confiance qu'en usant de la sorte c'est à lui-même que vous obéissez, puisque vous exécutez son commandement, mais cela ne doit pas empêcher qu'après avoir imploré son assistance, vous ne les priez avec humilité de vous donner quelque temps pour vous employer, dans un lieu retiré, à vos exercices spirituels et soit qu'il vous l'accorde ou vous le refuse, ne doutez point que ce ne soit pour votre avantage. Si vous recevez ce refus avec soumission et tranquillité d'esprit comme venant de la part de Dieu, quant à eux, ils lui en rendront un sévère compte, puisque, comme dit saint Ambroise, c'est une grande faveur que Dieu fait à un père et à une mère de leur donner des enfants qui veulent lui consacrer leur virginité et répondre fidèlement à sa vocation par une vie spirituelle et un grand mépris du monde. Ce n'est pas néanmoins à vous à envisager ce châtiment de leur faute, Chapitre 102. Que l'on doit donner le nom de volonté propre à tout ce que nous désirons et que nous demandons, et comment nous pouvons le connaître. Si vous considérez bien, ma chère fille, ce que je viens de vous dire, vous trouverez qu'il comprend deux choses, l'une, de renoncer à notre volonté, et l'autre d'accomplir celle de Dieu. Néanmoins, pour vous le mieux expliquer, je dois encore vous dire que désirer et demander à Dieu de nous délivrer de quelque péril ou de nous accorder quelque vertu ne doit pas passer pour une volonté blâmable, mais pour un moyen louable d'accomplir sa volonté, afin de nous garantir du mal et nous faire faire le bien, parce que si vous y faites attention, le désir d'être délivré de quelque péril pressant nous fait demander à Dieu avec plus d'ardeur et de plus profond gémissement, ce qui le rend plus facile à nous l'accorder que si nous ne le lui demandions qu'en général et avec tiédeur. Cette doctrine est conforme à l'Écriture sainte, puisque dans l'oraison que notre Seigneur lui-même nous a enseignée, il nous oblige à demander les choses en particulier. David agissait ainsi dans tous ses besoins, et les autres saints l'ont pratiqué. Or, encore que l'on puisse se conduire de la sorte dans les choses temporelles, comme nous voyons dans l'Évangile que l'aveugle pria Jésus-Christ de lui rendre la vue, Marc 10, et qu'il y en a tant d'autres exemples, néanmoins, comme ce qui n'est que temporel est moins considérable que ce qui regarde le spirituel, et que l'attachement que l'on y a est périlleux, au lieu que le mépris que l'on en fait est souvent louable, on ne doit pas le désirer et le demander avec trop d'affection, je dis avec trop d'affection, parce qu'on peut le demander, pourvu que ce soit sans inquiétude et à condition que Dieu l'ait agréable. Quant à ce qui regarde l'accomplissement de la volonté de Dieu en quoi consiste tout notre bonheur, si vous me demandez qui pourra nous la faire connaître, je réponds qu'il n'y a pas lieu de faire cette question dans tout ce que l'Écriture sainte et l'Église nous ordonnent, puisque l'on ne saurait douter que ce ne soit la volonté de Dieu, mais quand cela n'est pas, vous devez considérer comme tel ce que la personne qui a de l'autorité sur vous vous ordonne, pourvu qu'il ne soit pas évidemment contraire à la loi de Dieu, ou à celle de l'Église, ou à la raison naturelle, puisque saint Paul dit qu'encore qu'un maître soit infidèle, un chrétien doit lui obéir, non seulement pour éviter le châtiment, mais parce que sa conscience l'y oblige. Romains 13. À combien plus forte raison faut il observer envers les supérieurs chrétiens que nous devons croire que Dieu assiste pour ne nous commander rien que de juste. Au défaut de ce que je viens de dire, vous devez prendre pour la volonté de Dieu les avis de quelques personnes qui méritent que l'on suive son conseil, mais rien ne doit vous empêcher de prier le Saint Esprit de vous donner la lumière nécessaire pour ne rien faire qui soit désagréable à Dieu, parce que nos besoins sont si grands, que vous ne sauriez, sans l'avoir pour guide, faire rien de bon ni qui porte le roi du ciel à concevoir de l'amour pour votre beauté. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4. 1845, à Bémignes, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.